الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ce qui veut dire si l'on vous demandait comment avez-vous reconnu votre Dieu Allah, vous répondriez par ses indices évidents et prodigieux et par ses créatures. Parmi ces indices et merveilles, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, les cieux et la terre, ceux qui les habitent et qui y vivent partout intérieurement et extérieurement. Voici l'évidence prescrite par Dieu dans le Coran. Parmi ces indices, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, prosternez-vous plutôt devant Allah qui les a créés, qui c'est lui seul que vous adorez. Sourate 41, verset 37. Et voici une autre évidence de Dieu dans le Coran. Oui, votre Seigneur, Dieu, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il fait que la nuit excitée à poursuivre le jour le couvre et le soleil et la lune et les étoiles, les astres, mis à la corvée selon ses ordres divins. N'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? Béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Sourate 7, verset 54. Donc l'auteur commence par ces paroles: Faïza qila laka, s'il t'est demandé. Et toujours cet ordre et ce discours est dirigé vers tout musulman et toute musulmane, comme on avait vu au début des cours, qu'il soit étudiant à la recherche de la science ou pas, car ce sont les trois évidences que chaque musulman et chaque musulmane doit connaître. C'est le minimum à connaître, ce sont le Seigneur, le prophète et la religion islamique, même s'il le faut, un minimum de base. Bima arafta rabbak, d'après quoi tu as connu ton Seigneur? Faqul, répond. Donc là, l'auteur, il aide le musulman et la musulmane, il leur facilite le chemin. Si tu te poses cette question, comment j'ai connu mon Seigneur, si on te la pose, voilà les réponses. Quelques versets, quelques hadiths, il aurait pu les énumérer, il y en a tellement, mais pour le musulman, un exemple ou deux exemples suffisent pour qu'il comprenne. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Je l'ai reconnu par ses signes et ses créatures. Et là, Cheikh Ben Baz, il dit: إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده أنت تعبده. S'il te demandait comment tu as connu ton Seigneur Allah, lequel tu adores. Donc il ramène la réponse qui dit: فقل بآياته ومخلوقاته, par ses signes et par ses créatures. Et là, Cheikh Ben Baz commente ces paroles-là en disant: فقل عرفته بآياته ومخلوقاته, répond, je l'ai connu par ses signes et par ses créatures. أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة, c'est-à-dire par ses nombreux signes et par ces créatures grandioses. التي تدل على أنه الرب العظيم, qui prouve et qui démontre qu'il est le grand Seigneur. وأنه الخلاق العليم, et qu'il est le créateur connaisseur. وأنه المستحق لأن يعبد, et qui démontre et qui prouve qu'il est le seul à être en droit d'être adoré. وأنه الذي يخلق ما يشاء, et c'est lui qui crée ce qu'il veut. ويعطي ويمنع, et il donne et il s'abstient de donner. Car comme vous savez, c'est nous qui sommes questionnés, nous Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous questionne, nous on n'a pas questionné Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le créateur et c'est lui qui décide de toutes choses. وينفع ويضر, et c'est lui qui amène qui peut te faire du bien, et c'est aussi celui qui peut te faire du mal. بيده كل شيء سبحانه وتعالى, entre ses mains il détient toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala détient toutes choses, il est capable de toutes choses. فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعبادتنا لأن الله خلقنا لهذا. C'est lui qui est en droit pour qu'on l'adore avec obéissance, en l'invoquant et en lui demandant secours, et avec toutes les autres œuvres et toutes nos dévotions et adorations, car Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, il nous a créés pour cela. قال تعالى, le Très-Haut dit: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ce verset, on le voit souvent, car c'est un très grand verset qui prouve que la sagesse est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et le djinn. Ce n'est seulement que pour qu'il l'adore. Ça, c'est la première raison et la première sagesse pour laquelle Allah nous a créé. C'est pour qu'on l'adore. وَهَذِهِ الْعِبَادَ هِيَ تَوْحِيدُهُ, et cette adoration, cette dévotion, c'est de lui donner l'unicité. Que toute adoration, toute dévotion, tout vœu, tout sacrifice ne soit que pour Allah, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu, et son obéissance. L'obéissance est due en premier lieu à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à ceux à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de leur obéir, comme les prophètes et les messagers. وَاتِّبَعْ شَرِعَتِهِ, et de suivre sa législation. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. C'est lui qui est en droit de légiférer. Nous, on ne doit qu'écouter et obéir à notre Seigneur. Et ne pas outrepasser ses règles et ses lois. وَتَعْظِيمْ أَمْرِهِ وَنَهِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا, et de donner la vraie valeur, la grande importance à son ordre, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à son interdiction, que ce soit par la parole ou par l'acte. Donc, Cheikh Ibn Abdul Wahhab continue dans son Usul Thalatha en disant bi ayatihi wa makhluqatihi, on reconnaît le Seigneur par ses signes et ses créatures. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ, parmi ces signes il y a quoi? Il y a la nuit et le jour. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ, et le soleil et la lune. وَمِنْ مَخْلُقَاتِهِ, et parmi ces créatures il y a السَّمَاوَاتُ السَّبْعِ, les sept cieux. وَالْأَرَادُونَ السَّبْعِ, et les sept terres. وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا, et ceux qui s'y trouvent, et ceux qui se trouvent aussi entre eux. والدليل, et l'argument, قوله تعالى, est le verset du Très-Haut qui dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour. Il y a le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous à Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. Donc Cheikh Ibn Baz dit kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin, tout ceci démontre, prouve qu'il est le Seigneur des mondes. Wa annahu al-khallaqul alim, et qu'il est le grand créateur connaisseur. يأتي الليل بظلامه, la nuit vient avec sa sombrité, ça se dit sombrité, son obscurité. ويذهب النهار بضيائه, et le jour part, disparaît avec sa clarté, la clarté. ثم يجيء النهار, puis vient le jour. ويذهب الليل, et la nuit part. وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها, et ce soleil qui se lève au-dessus des gens dans toute la terre. وينتفعون بها, et ils en profitent, ils profitent du soleil. وهذا القمر, et cette lune كذلك aussi. وغير هذه من الآيات العظيمة, et bien d'autres signes grandioses. كالأرض, comme la terre. وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات, et ce qu'elle comporte comme montagnes et fleuves et rivières et des océans et des mers et la flore et la faune. أشجار sont les arbres, et là c'est plutôt la flore qui est sous-entendue. والحيوانات sont les animaux, mais c'est la faune. وهذه السماوات التي يراها الناس, et ces cieux que les gens voient, كلها من آياته, tout cela fait partie de ces signes, les signes d'Allah, الدالة على عظمته, qui démontre, qui prouve et qui montre sa grandiosité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه رب العالمين, et qu'il est le Seigneur des mondes. وأنه الخلاق العليم, et qu'il est le grand créateur connaisseur. وأنه المستحق للعبادة, et qu'il est le seul à être en droit d'être adoré. ولهذا قال, et c'est pour cela qu'il dit ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour. le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. Yani, c'est-à-dire, la ta'budu hadhihi al-makhluqat, c'est-à-dire, n'adorez pas ces créatures, bal i'budu alladhi khalaqaha, mais plutôt adorez celui qui les a créés, wa awjadaha subhanahu wa ta'ala, et qui les a amenés, alors qu'ils étaient du néant, glorifié soit-il, et le Très-Haut. فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له. C'est lui qui est en droit pour que son serviteur se rabaisse pour lui et qu'il vienne tout en étant affaibli devant son Seigneur. ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى. Et qu'il obéit à ses ordres et qu'il s'abstient et qu'il s'interdit de ses interdits. Glorifié soit-il. Ta'ziman wa taqdisan lahu. Ceci pour démontrer la grandeur d'Allah et la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khawfan minhu, et par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghbatan fi ma 'indahu, et par amour et par volonté de ce qu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, on revient au texte d'Ibn Abdul Wahhab sur le salata. وقوله تعالى, et parmi les arguments, il y a la parole du Très-Haut qui dit: إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, oui, votre Seigneur, Dieu, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il fait que la nuit excitée à poursuivre le jour le couvre, et le soleil, la lune et les étoiles mis à la corvée selon ses ordres divins. N'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? Béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Ici, dans la traduction, il a mis ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Il a traduit par « Il s'est établi sur le trône ». Et là, il y a une erreur dans la traduction. C'est pour ça que j'ai préféré traduire par « Il s'est élevé au-dessus de son trône ». Ça, c'est la vraie explication du terme « Istawa ala al-arsh ». D'accord ? C'est pas la traduction qui est établie. C'est « Il s'est élevé au-dessus de son trône ». On y reviendra, Inch'Allah. Donc, Cheikh Ben Baz continue dans son commentaire en disant: كُلُّ هَذِهِ تَدُلُّ وَقَالَ سُبْحَانَهُ. Et le très glorifié a dit: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ, votre Seigneur c'est Allah. يعني إِنَّ رَبَّكُمْ أَيُّهَا الْعِبَادِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هُوَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ô djinn et ô homme, votre Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous enseigne et vous apprend qu'il est votre Seigneur. Wa rabbukum yani khaliqukum, et votre Seigneur, c'est-à-dire votre Créateur. Wa huwa ma'budukum al-haq wahdahu la sharika lah, et il est celui que vous adorez en vérité, lui seul sans associé. الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. اي ثم ارتفع على العرش, c'est-à-dire ارتفع, il s'est élevé au-dessus du trône. وعلى فوقه سبحانه وتعالى, glorifié soit-il. Il s'est élevé. Irtafa, ana, ce sont des synonymes qui veut dire élevé. Fa'ilmuhu fi kulli makan, sa science englobe tout lieu. Allah sait tout ce qui se passe en tout lieu. Wa huwa fawqa al-arsh, tout en étant au-dessus de son trône. Fawqa jami'il makhluqat, au-dessus de toutes les créatures. Wal-arshu saqful makhluqat. Et le trône, c'est le toit de toutes les créatures. Toutes les créatures assemblées, le toit de toutes les créatures, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو أعلى المخلوقات. Et le trône, c'est la plus grande créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus élevée et la plus grande marge. Ou plutôt, c'est très bien, ici, c'est plus dans le sens, c'est la plus grande. Mais ici, le sens qui est du shir, c'est la créature la plus élevée. Aucune créature au-dessus du trône. وَاللَّهُ فَوْقَهُ جَلَّ وَعَلَى. Et Allah, glorifié soit-il, est au-dessus de son trône. إِسْتَوَى عَلَيْهِ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. Il s'est élevé au-dessus de son trône, une élévation qui est propre à lui, glorifié soit-il. On n'a pas à chercher le comment. Comme vous savez, le dogme de Ahl al-Sunna wa al-Jama'a, les gens qui suivent la Sunna et les Sahaba, parce que le groupe, on dit Ahl al-Sunna wa al-Jama'a, le groupe qui est sous-entendu, ce sont les trois générations que le Prophète sallam a béni. Donc, eux, ils faisaient partie de leur croyance et du chemin qu'ils suivaient, de ne pas rentrer dans ces domaines-là, c'est de croire à ces versets, à ces hadiths qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rentrer dans les détails et sans chercher le comment. لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. Il ne ressemble à aucune de ses créatures dans n'importe quelle de ses qualités ou de ses adjectifs. قال تعالى, le Très-Haut a dit, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble, rien n'est comparable à lui. Et il est l'audient et l'omniscient. L'audient, c'est celui qui entend. Et l'omniscient, celui dont la science, hein, ouais, clairvoyant. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, ولم يكن له كفوا أحد. Là, je voudrais bien voir la traduction. Le temps qu'on continue, Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah. C'est-à-dire, nul n'est égal à lui. C'est la fin de la surat l'Ikhlas. Wa qawluhu yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafitha. C'est-à-dire, il fait que la nuit excitée à poursuivre le jour le couvre. Ay yughatti hadha bi hadha. C'est-à-dire, l'un couvre l'autre. La nuit couvre le jour comme le jour couvre la nuit. وهذا بهذا يطلبه حثيثا. C'est-à-dire excité à poursuivre. Il dit أي سريعا وكل واحد يطلب الآخر. C'est-à-dire que chacun demande appel à l'autre. La nuit appelle au jour et le jour appelle à la nuit, hein, et chacun est pressé dans son appel. Et c'est pour ça qu'il la traduit par, il fait que la nuit excitée à poursuivre, le jour le couvre. إذا انتهى هذا دخل هذا. Lorsque l'un se termine, l'autre arrive. وهكذا. Et c'est comme cela à chaque fois. Vient la nuit, il y a le jour qui vient, après c'est la nuit, après c'est le jour. حتى تقوم الساعة, jusqu'à que l'heure sonne. والشمس والقمر, أي وخلق الشمس والقمر والنجوم, خلقها مسخرات بأمره مطيعات مذللات لأمره سبحانه. Et Allah سبحانه وتعالى a créé le soleil et la lune et les étoiles. Il les a créées pour servir son ordre et qu'ils obéissent à son ordre, glorifié soit-il. Toutes les créatures obéissent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'avancent que sous un ordre qui leur a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Car les seules créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a laissé le libre choix d'obéir ou de désobéir, de suivre ou de ne pas suivre, ce sont les deux créatures qui seront jugées et qui seront vouées soit à l'enfer, soit au paradis, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns. ثم قال سبحانه في الغرفة سواتيل أدي ألا له الخلق والأمر. Ce qui veut dire, n'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement. فالخلق له, la création lui appartient. والأمر له, et le commandement, l'ordre lui appartient. هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس. C'est lui le grand créateur dont son commandement dans l'espace n'est jamais خالفه, comment on pourrait traduire, n'est jamais en contradiction avec ce qui va arriver aux gens. Quand lorsqu'Allah a décrété quelque chose, c'est cette chose-là qui arrivera à ces créatures. Jamais ce qu'Allah a décrété dans l'espace, jamais quelque chose ne viendra pour venir en contradiction avec. Ce qu'il a décrété viendra comme Allah l'a décidé. Kama qala ta'ala, comme le Très-Haut a dit, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Son ordre est certainement, lorsqu'il veut quelque chose, c'est qu'il dit soit et il est. وقوله, et sa parole, وما أمرنا, il demande de l'œil. فأمر الله الكون القدري لا راد له. Personne ne peut contrer l'ordre et le commandement d'Allah qu'il a décrété dans l'espace. Nul ne peut le contrer. ولهذا قال, et c'est pour cela qu'il dit ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. C'est-à-dire, n'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? Béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Fatabaraka, béni, yani, balagha fil baraka nihaya. C'est-à-dire qu'il a atteint dans la bénédiction la finalité de la bénédiction. Wa hiya siratun la tasluhu illa lillah. Et cette terminologie ne peut être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul. Tu ne peux pas dire tabaraka fulan. Ici, bénir, vous êtes bénir, parce qu'en termes en français, il faut bien le comprendre. Ce bénir, il a bien expliqué, c'était quoi? C'est une bénédiction complète qui a atteint sa finalité. Et ça, aucun être humain ne l'a. Comme quand on dit que quelqu'un peut être clément, est-ce qu'il a la clémence totale? Non, la clémence totale appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous suivez? Fala yuqalu lil abdi tabarakta ya fulan, il l'a ramené. Donc il n'est pas dit à un serviteur, à un être humain, à un homme, tabarakta ou un tel. Bien, je préfère prendre le terme arabe. Je lève parce que maintenant, on l'a expliqué, vous l'avez compris. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. Ceci n'est pas permis. وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌ بِاللَّهِ. C'est seulement spécifié, c'est propre à Allah. كَمَا قَالَ تَعَالَى, comme le Très-Haut a dit, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ. Glorifié, que soit béni celui dont entre ses mains il a la royauté. Wa innama yuqalu lil makhluq, mais il est dit à la créature, barakallahu fi fulan. On peut dire quoi à la créature? Qu'Allah bénisse un tel. Ou fulan mubarak, ou que quelqu'un est béni. Amma tabarakta, mais de dire tabarakta, ce terme-là, comme il est cité, et qu'on a vu sa signification tout à l'heure, fa'innaha la tasluhu illa lillahi wahda. Elle ne peut être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.